Découverte Fun Radio. Il est 6h. Bienvenue dans Summer Fun qui démarre maintenant. Fun Radio. Fun. La, la, la. En juillet chez Ego, profitez de 25% de remise sur votre nouveau placard ou dressing sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Et à 6h sur Fun Radio, la journée démarre avec une petite dose d'info. Elle est signée Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Anton, bonjour à tous. Salah Abdeslam a eu un rôle bien plus important dans les attentats à Paris et à Bruxelles qu'il ne le laisse entendre. C'est en tout cas ce qui ressort des extraits des premières auditions de Mohamed Abrini après son arrestation en avril dernier. Celui qui a reconnu être l'homme au chapeau impliqué dans l'attaque à Bruxelles Airport le 22 mars est suspecté d'avoir participé aux préparatifs des attentats du 13 novembre à Paris. Après ces attentats, Mohamed Abrini et Salah Abdeslam se sont cachés à différentes adresses où ils ont notamment côtoyé les terroristes qui ont perpétré les attaques du 22 mars à Bruxelles. Arrêté le 8 avril, Mohamed Abrini a affirmé lors de sa première édition que son compagnon de cavale avait joué un rôle très important dans ses préparatifs. Il apparaît ainsi à nouveau que les cellules terroristes des attentats de Paris et de Bruxelles faisaient partie d'un même grand réseau. Des figures clés des deux attaques sont ainsi passées par les adresses où Salah Abdeslam a déposé des individus qu'il était allé chercher. La commission d'enquête parlementaire sur les attentats du 22 mars à Bruxelles ne souhaite quant à elle pas que son agenda soit dicté par les résultats de son homologue française qui s'est penchée sur les attentats de Paris ou des fuites dans la presse. Cette commission d'enquête rendra ses conclusions aujourd'hui. Trois kamikazes ont fait exploser leurs bombes près des mosquées dans trois villes d'Arabie Saoudite, dont la Sainte Médine. Une rare vague d'attentats suicides a frappé le royaume en moins de 24 heures. Les attaques qui ont blessé au moins deux policiers n'ont pas été revendiquées dans l'immédiat. Mais le mode opératoire rappelle celui du groupe djihadiste État islamique. En début de soirée, une attaque s'était produite devant la mosquée du prophète à Médine, très fréquentée par les fidèles dans ces derniers jours du Ramadan. La télévision a montré des images de flammes se dégageant d'un parking proche de la mosquée, avec au moins un corps gisant à proximité. Aucune indication n'était donnée sur cet attentat par les autorités. La vague d'attentats avait commencé à l'aube dans l'ouest du pays, où un kamikaze s'est fait exploser près d'une mosquée située à proximité du consulat des États-Unis. En tennis, David Goffin a vu son parcours s'achever en huitième de finale hier au tournoi de Wimbledon. Le numéro 1 belge a été éliminé dans cette troisième levée du Grand Chelem en 5 manches et un peu plus de 3 heures de jeu par le Canadien Milos Raonic, 7e joueur mondial, sur le score de 4-6, 3-6, 6-4, 6-4 et 6-4. Et puis sachez encore que le Britannique Mark Cavendish a remporté de toute justesse la 3e étape du 103e Tour de France cycliste. Il s'est imposé à la photo finish au terme des 223,5 km parcourus entre Granville et Angers. Il a devancé l'Allemand André Greipel qui a cru s'imposer mais qui s'est relevé un peu trop tôt. Le Français Brian Coquard a pris la 3e place. C'est le 28e succès d'étape de Cavendish sur le Tour, le 2e déjà en 2016 après son succès de samedi. Il s'empare du maillot vert de leader du classement par points. Le premier belge Edouard Teuns a pris la 5e place. Le Slovaque Peter Sagan, 4e à l'arrivée, a conservé le maillot jaune de leader du Tour de France. La 4e étape prévue aujourd'hui sera la plus longue cette année, conduira les coureurs de Saumur à Limoges. On vous parle des vacances insolites ce matin sur Fun Radio. Vous allez voir, c'est plutôt original. Côté son dance floor, j'ai pour vous Laurent Wolf et DJ Snake. Par contre, côté météo, Jean-François, est-ce qu'on a des bonnes nouvelles aujourd'hui? Pas encore tout à fait. Oh, les nuages domineront le ciel avec parfois un petit peu de pluie dans certaines régions. Il fera plus sec cet après-midi avec quelques éclaircies. Les températures ne dépasseront pas 16 à 20 degrés. Le vent va souffler assez fort. Et puis après une journée encore un peu mitigée demain, c'est promis, on peut s'attendre à deux belles journées jeudi et vendredi. Prochain rendez-vous de l'info à 6h30. Bon début de journée sur Fun Radio. Tout de suite, c'est Calvin Harris et Rihanna. Fun Radio. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Le meilleur cocktail de l'été. Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun tous les jours jusqu'à 9h sur Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Everybody's watching her, but she's looking at you. We'll be right back. babe. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Sur Fun Radio. Côté son dance floor, c'est Willy William et Laurent Wolf qui arrivent dans quelques minutes. DJ Snake, c'est ce que je vous cale aussi, juste après les éphémérides du jour. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Bien le bonjour Coralie, comment ça va? Ça va et toi Antoine? Mais écoute, très très bien, on redémarre la semaine ensemble, il est 6h07 du matin et où que vous soyez en Belgique, vous écoutez Summer Fun et on vous accompagne durant tout l'été du vendredi au lundi, non c'est plutôt du lundi au vendredi, on démarre la semaine ensemble et on la termine entre 6h et 9h et on commence avec les éphémérides aujourd'hui. Juste avant, c'est un petit programme, on a plein de choses à vous réserver. Ah oui, on va faire le fun sondage, le clap buzz. On aura aussi encore des entrées pour l'Aventure Park des Wavres aujourd'hui à vous offrir. On fêtera également votre anniversaire à l'antenne. Alors si vous fêtez votre anniversaire ou l'anniversaire d'un pote aujourd'hui, ça se passe par SMS au 3044. Et on va aussi vous parler de tout ce qui est insolite à faire durant l'été. Ouais, et on va aussi évidemment jouer au Battle Fun pour que vous puissiez remporter vos places de cinéma. Battle Fun, très simple, c'est un genre de blind test. On vous passe des sons qui ont été modifiés par notre stagiaire. Vous allez voir, il a été assez sadique. À vous de retrouver l'artiste ou le titre de la chanson qui se trouve derrière. Il y aura des places de ciné, on jouera à tout ça tout à l'heure. Alors vous pouvez vous inscrire dès maintenant par SMS au 3044 en envoyant je les éphémérides du jour. C'est la petite info indispensable pour avoir l'air intello à la machine à café tout à l'heure ou à table devant ses collègues. On commence avec le 185e jour de l'année aujourd'hui. Ah bon? Déjà? Mais déjà, on est un peu plus au-delà de la moitié de l'année, donc ça passe très très vite. Ah, j'ai l'impression qu'on vient de démarrer là, mais... Et oui, en ce 185e jour de l'année, on fête aussi les Antos. Ah, les c'est Antoine, pas vrai, Anto. Les Antos, les Antoine. Ah bah écoute, bah bonne fête à tous les Antos et les Antoines de Belgique alors. Oui, bon, on va aussi souhaiter une bonne fête à Tony, Tonio et Tony. Évidemment, bonne fête à eux. On a un événement aujourd'hui, puisque tous les jours il s'est passé des choses dans le monde. On remonte en 1811. Oui, et c'est le jour d'indépendance du Venezuela. Ah ça c'est une bonne nouvelle pour eux, ça a été une date importante. Le dicton du jour, c'est chaud juillet, surfrais juin, peu de blé mais bon vin. C'est ça... de Jean-Paul Sartre. C'est pas de Jean-Paul Sartre, c'était un copier-coller un peu mal fait. Autant de ma part. Pour moi. Autant pour moi aussi. C'est donc le dicton de jour, chaud juillet, surfait frein, juin. Et on a, oh là là, on dit qu'on a du mal le lundi, mais le mardi, c'est une belle journée aussi. Hein. Merci d'être sur Fun Radio en tout cas. On va vous accompagner sur la route du boulot ou des vacances si vous avez l'occasion d'en prendre. Car oui, peut-être sont à cette heure-ci à 6h09 du matin sur la route direction le soleil. Nous, on va vous amener le soleil jusqu'à 9h sur Fun Radio. Et dans quelques secondes, Madden, Willy William et Chris Brown ou encore Laurent Wolf côté son dance floor juste avant. C'est DJ Snake et Talk. Bienvenue. Much more to lose. Fun Radio. Fun Radio. Maybe I just wanna stay, just take it easy, cause there's no stress. I know it's not enough for crime, something special in my mind. Nothing's gonna cause me distress. I text my baby on her phone, trying to get her sexy body home. That's the way I wanna spend my day. Got to find an alibi, cause I don't wanna waste my time. I don't wanna feel distressed. It's not that I'm lazy, I think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, I think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, I think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, I'm just crazy. C'est bon ça pour démarrer la journée. Bienvenue sur Fun, Willy William, Chris Brown, Paris, c'est ce qui arrive d'ici quelques petites minutes. Juste avant, on vous parle des cadeaux les plus fun qu'on va vous offrir tous les matins entre 6h et 9h dans Summer Fun, notamment des entrées pour l'aventure Parc de Wavre, Coralie. Et oui, tout à fait, si jamais vous souhaitez aller vous éclater à l'aventure Parc de Wavre, ben, c'est très simple, il vous suffit d'envoyer aventure par SMS au 6322, c'est 1€ par message, et vous pourrez aller tester le saut à l'élastique, plus de 15 parcours dans des arbres à plus de 20 mètres de hauteur. Ça c'est cool, l'acrobranche, pouvoir se balader dans les arbres, faire plein de sensations fortes, se lancer dans le vide, même parce qu'on peut se lancer dans les toiles d'araignée par exemple, ou avancer ensemble, franchement, pour s'amuser en famille, entre amis, il n'y a rien de mieux. D'ailleurs, tu as déjà testé. Oui, tout à fait, j'y ai été plusieurs fois et j'adore. Et donc, tu peux le recommander génial. Avec grand plaisir. Exactement, tout à fait. Et bien, en tout cas, vous envoyez Aventure par SMS au 6322. On a deux fois deux places à vous offrir aujourd'hui à 8h15 et 9h15. Alors, allez-y, Aventure par SMS au 6322. Le sujet du jour, les vacances insolites. Coco, est-ce que toi, tu as déjà fait un peu des choses originales pour les vacances? Moi, ce que j'ai fait, j'étais en conscout et en fait, je partais juste avec un sac à dos, quelques vêtements dans mon sac, un petit matelas tout fin. Et je devais trouver un endroit où je devais dormir, tout simplement. Donc, j'allais sonner chez des gens, je leur demandais, j'allais marcher toute la journée, plus de 30 km par jour. Ouais. Et je me débrouillais comme ça en fait. Et ben c'est horrible. Je pourrais pas faire ça. C'est un peu, c'est comme tu partais en vacances et tu arrives à l'aéroport ou à la gare et tu dis bon, où est-ce que je pars? Donc t'as tout prévu, sauf la destination. Ça c'est aussi des vacances insolites qu'on peut avoir. Est-ce que vous avez des petites choses originales comme ça qui vous est arrivée ou vous aimez faire, comme par exemple manger des insectes, faire tous les restos d'insectes, partir sans savoir où vous partez réellement, ou même tester des cabanes dans les arbres, des bulles même, parce qu'on peut dormir dans des bulles. Venez nous le raconter par SMS 3044, on vous lit jusqu'à 9h. On va faire le top 3 des lieux plutôt insolites où passer des vacances. Ce sera dans quelques minutes, juste avant, côté son dance floor, c'est Willy William et Chris Cab et Paris sur Fun. Bienvenue. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un RDT sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, Paris, Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Ensemble sur Fun Radio, Madden Golden Light, c'est la suite du programme côté son dance floor. Hey, c'est bon ça. Juste avant, c'est l'Héroscope. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'Héroscope. This is the question. Coralie, tu as consulté les astres et tu as pour nous, j'espère, des bonnes nouvelles. On commence avec les béliers. Vous ressentez les choses de travers, prenez un peu de temps pour vous reposer. Les taureaux. Amour et fidélité, ça roule pour vous côté cœur. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Pour les gémeaux. Votre ciel risque de brouiller vos cartes amoureuses. Ça c'est moins bon, par contre. Est-ce que pour les cancers, ça ira mieux. Soignez votre susceptibilité pour ne pas faire fuir votre moitié. Il paraît que je suis susceptible, c'est vrai? Un petit peu quand même. La fille qui ose pas, oh bah tu sais, un mais peu non, pas trop. Mais non. Les lions. Pas moyen de douter de vous, on vous suit à la trace. Les vierges à présent. Un courant d'amour va passer en ce mardi, profitez-en. Oh, il y a l'amour dans l'air. Les vierges, non les balances. Ne montez pas sur vos grands chevaux si tout ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Les scorpions. Cette journée ne vous apportera rien de précis, vivez-là comme d'habitude. Ben oui, on est comme d'habitude, il est 6h22 et du matin et vous écoutez Summer Fun, ça c'est le bon réflexe que vous avez pris pour bien passer l'été, passer de bonnes vacances quoi. Les Sagittaires, est-ce que passent de bonnes vacances? Le cœur a son mot à dire et si vous l'écoutez, tout ira à merveille. C'est vrai qu'on a un peu deux cerveaux, le cœur et la tête. Exactement. Et il faut parfois arriver à faire fonctionner les deux en même temps. Le mec il se perd encore. J'aime bien dire quand je me perds, au moins vous vous dites pas mais le mec il est fou, il parle tout seul. Les Capricornes. Un peu trop capricieux pour être heureux, arrêtez d'en faire qu'à votre tête et souriez au jour le jour. Alors, t'as voulu faire un petit jeu de mots, non? Capricorne, capricieux. Oui, un petit peu, j'avoue. Tout le monde l'a remarqué, je suis pas le seul quand même. Les Verseaux cette fois-ci. Cette journée sera favorable à tous vos projets, profitez-en. Profitez-en les Verseaux et puis les Poissons. Ne compliquez rien et si vous le pouvez, restez en retrait.

sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. À 6h31 sur Fun Radio, on fait le tour de l'actu avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Les recettes fiscales sont inférieures aux estimations avancées lors du contrôle budgétaire du mois d'avril, si bien que le déficit avoisine les 760 millions d'euros. L'impact des attentats du 22 mars a fait reculer les revenus de la TVA qui affiche un déficit de 359 millions d'euros par rapport aux prévisions. Les revenus du précompte mobilier affichent aussi un retard de 305 millions. Au total, le retard des revenus d'impôt se monte donc à 761 millions d'euros, auquel s'ajoute le déficit de 229 millions d'euros de la sécurité sociale. À titre de comparaison, le déficit comptabilisé au niveau des recettes fiscales se montait à 1,4 milliard d'euros l'an dernier, à la même période. Salah Abdeslam a eu un rôle bien plus important dans les attentats à Paris et à Bruxelles qu'il ne le laisse entendre. C'est en tout cas ce qui ressort des extraits des premières auditions de Mohamed Abrini, révélées par plusieurs médias. Celui qui a reconnu être l'homme au chapeau impliqué dans l'attaque à Bruxelles Airport le 22 mars dernier est suspecté d'avoir participé aux préparatifs des attentats du 13 novembre à Paris. Après ces attentats, Abrini et Abdeslam se sont cachés à différentes adresses où ils ont notamment côtoyé les terroristes qui ont perpétré les attaques du 22 mars à Bruxelles. La commission d'enquête parlementaire belge ne souhaite quant à elle pas que son agenda soit dicté par les résultats de son homologue française qui rendra ses conclusions aujourd'hui. Le Britannique Mark Cavendish a remporté hier la troisième étape du 103e Tour de France cycliste. Il s'est imposé de toute justesse devant l'Allemand Andri Greipel, qui a cru s'imposer mais qui s'est relevé un peu trop tôt. C'est déjà la deuxième succès du Britannique et son 28e succès d'étape sur la grande boucle. Il égale ainsi les records de Bernard Hinault et s'empare au passage du maillot vert de leader du classement par points. Le Slovaque Peter Sagan, quatrième à l'arrivée, a conservé son maillot jaune. La quatrième étape prévue aujourd'hui conduira les coureurs de Saumur à Limoges. En tennis, David Goffin a vu son parcours s'achever en 8e de finale du tournoi de Wimbledon. Le numéro 1 belge a été éliminé en 5 manches après un peu plus de 3 heures de jeu par le Canadien Milos Raonic, 7e joueur mondial, sur le score de 4-6, 3-6, 6-4, 6-4 et 6-4. Et puis, sachez aussi que de retour au pays après leur élimination en quart de finale de l'Euro contre la France, les footballeurs islandais ont continué la fête. Ils ont été accueillis en véritable héros hier à leur retour au pays. Des dizaines de milliers d'Islandais n'ont pas manqué de fêter leur très beau parcours. On termine par une info à laquelle vous allez sans doute avoir beaucoup de mal à croire. En vacances du côté de Marseille, un couple de Parisiens particulièrement agacés par les chants de cigales n'a rien trouvé de mieux que de se rendre à la gendarmerie pour déposer plainte en raison des nuisances sonores. L'information ressemble à un gag ou à une rivalité oblige à une moquerie régionale à l'égard des Parisiens, mais elle a bien été relayée par différents médias. Un quotidien local s'est même réjoui que les cigales, véritable emblème de l'été provincial, provençal, ont été laissées en liberté. Bah oui, comment on peut se plaindre des cigales? Ça fait partie des vacances, justement, les cigales. À mon avis, c'est aussi la rivalité entre les Parisiens et les Marseillais qui continue, qui va au-delà des frontières du foot. Ça doit être ça. Fun Radio. C'est plutôt original en tout cas. Dans un instant, sur Fun Radio, on parlera du fun sondage du jour. Et côté son dance floor, c'est Julian Peretta qui arrive, ainsi que les Major Lazer. Avant ça, côté météo, Jean-François, est-ce qu'on a du soleil et des températures assez chaudes pour aujourd'hui? Eh bien, pour ce matin, on aura tout d'abord des nuages qui vont dominer le ciel avec parfois encore un petit peu de pluie. Il fera un peu plus sec cet après-midi avec quelques éclaircies. Côté température, ce sera entre 16 et 20 degrés suivant les régions, avec un vent qui va souffler assez fort. Et puis, il y aura encore une journée un peu mitigée demain, mais c'est promis, jeudi, vendredi, il fera enfin meilleur. On aura un grand et beau soleil. On croit en toi, hein. Attention. Je l'espère, je l'espère. Allez, on se retrouve à 7h pour les prochaines infos. Et tout de suite, c'est Enrique Iglesias sur Fun Radio. Fun. Summer Fun. Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con él. con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele. Quiero acabar ese sufrimiento. Qu'est-ce que ça sent bon l'été, ça, hein? Julian Peretta, Cry, c'est ce qui arrive d'ici quelques petites minutes. Juste avant, c'est le fun sondage du jour. Le fun sondage. Un fun sondage auquel vous allez pouvoir participer et réagir aujourd'hui. Je vous le donne en mille, 80% des sondés le préfèrent. Mais alors, à quoi correspond ce 80%? Un petit indice, ça parle de vacances. Alors à quoi ça pourrait correspondre, Coralie? Moi j'ai une idée, ce sont les gens qui partent en avion plutôt qu'en voiture. Qui préfèrent partir en avion en vacances plutôt qu'en voiture, ouais. Ça pourrait être ça, effectivement. En fait, on attend vos réactions sur les réseaux sociaux, en tout cas. Oui, sur le Facebook Summer Fun, Fun Radio. Vous pouvez nous envoyer vos réactions, je les lirai à l'antenne. Ou encore par SMS au 3044. 80% des sondés le préfèrent en rapport avec les vacances. Pensez-y, 80% c'est énorme. Donc, c'est-à-dire une majorité de gens, à l'heure actuelle, préfèrent faire ça pendant les vacances plutôt qu'autre chose. Même, allez, j'allais plus loin, c'est pas que pendant les vacances, ça peut se passer tout le temps. Vacances et hors vacances. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? On attend vos réactions par SMS 3044. Dans quelques minutes, on parlera du clap buzz du jour. Qu'est-ce qui a buzzé hier sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'est ce qu'on en parlera. On va parler d'hot dog. Vous allez voir, c'est un record du monde d'hot dog. Hot dog. C'est hot dog, oui. Hot, pas hot dog. Hot dog. Hot dog. Un dog show. Oh. On va en parler d'ici quelques minutes. Et puis on aura aussi l'infotrafic à 6h45. Bougez pas. En vacances, c'est Fun Radio. Fun Radio. So hard to think about what we could have been. Where love could have taken us. Blame it on the wind and cry. Cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. I couldn't make it any more harder. That's why. Since you went away, nothing's the come back, would you come back to me, yeah. Come back to me, yeah. Come back to me, yeah. When you're gone, that's why. Sur Fun Radio, bon réveil. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. C'était le gagnant du duel d'hier. Moi, je vous le diffuse dans quelques minutes pour bien démarrer la journée. Juste avant, on fait un point sur l'infotrafic. Un problème sur la route? Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. Que se passe-t-il sur nos routes, Jean-François, ce matin? Sur le ring de Bruxelles en direction du ring intérieur entre Bersol et Forêt, vous perdez 10 minutes sur votre temps de parcours. Tout va bien pour le reste sur l'ensemble du réseau routier ce matin. Heureusement, merci beaucoup Jean-François. Vous aussi, ayez la Fun Solidarité et prévenez-nous si vous apercevez ce matin un accident ou un objet encombrant sur la route. C'est ça aussi, la Fun Family, pouvoir s'entraider même le matin. Ça se passe par SMS 3044. On continue à parler de vos vacances insolites et plus particulièrement des lieux insolites. Par exemple, un de mes fantasmes, Coralie, tu dois le savoir certainement, un truc qui me brancherait vachement, ce serait de dormir quelques jours dans un arbre. Tu vois, les cabanes qu'on retrouve dans les arbres comme ça doit être plutôt original. Ouais, quand c'est même. Sympa, c'est sympa. Alors vous, est-ce que vous avez des envies insolites comme ça? Toi, par exemple, est-ce que ça te brancherait d'être dans une yourte? Je sais pas si tu vois ce que c'est une genre de tente un peu indienne comme ça. Ah, comme un tipi. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu l'équivalent. Et ça existe aussi en version bulle, donc dans du plastique, dans des bulles pour voir les étoiles. Ça existe dans les arbres. Est-ce que ça te branche, ce genre de petit lieu insolite? Ouais, j'aime bien. Mais moi, j'aimerais bien dormir sur. Quand tu fais de l'escalade, tu peux accrocher une tente, en fait, sur la partie que tu es en train de grimper. Sérieux? Et j'adorerais dormir là-dedans. Donc, par exemple, t'accroches ta tente sur le mur. Ouais. Exactement. Bah, c'est horrible, ça veut dire que tu vas dormir dans le vide. Oui, exactement, mais c'est et génial. T'as envie de faire ça. C'est génial. Bah, je sais pas, c'est là, t'es en train de dormir et puis t'as du vide en dessous. C'est un peu horrible, non? Mais non, ça doit être super bien. L'adrénaline et tout, tu vas dormir là. Ah, ça pour l'adrénaline. C'est ça. Ça pour l'adrénaline. C'est sécurisé, ça doit être super bien. Bah, j'espère en tout cas. Mais oui. À tester, pourquoi pas. Est-ce que vous avez des envies un peu cheloues comme celle-ci ou simplement des vacances insolites que vous avez envie de faire en amoureux ou entre amis? Venez nous en parler ce matin, ça se passe par SMS 3044. Bougez pas, on revient après ça. Allez, prêt pour un marathon de soldes? Chez Decathlon et sur decathlon.be, le sport est plus facile avec des soldes pour tous les sportifs. Décathlon, à fond la forme. Bon contact, prêt pour un nouveau cas de je sais pas choisir. Oh, les soldes, c'est top. Oh, ils sont trop beaux, ces escarpins. Sexy, mais pas vraiment pratique. Oh my god, ces sandales sont canon. Oui, mais avec mes orteils, c'est pas terrible. Ah, je sais, je vais prendre ces petites ballerines, comme ça il me reste des sous pour prendre les escarpins. Oh là là, j'espère qu'ils soldent aussi les armoires chaussures. Choisir n'est jamais simple, sauf pour payer. Car là, on choisit Bon Contact, le mode de paiement préféré des Belges. Bon Contact, ça c'est sûr. Hello party people, nous c'est Jules et Tom. Ouais, on a toujours pas réussi à avoir de tickets pour Tomorrowland cette année. Du coup, on a construit le nôtre en maquette. Ouais, genre un mini Tomorrowland avec des figurines de tous les pays. Ouais, là, regarde, une Suédoise. David Keita, I love you. Et si on l'appelait genre Adriana? Oh ouais. Oh ouais, attends, soulève-lui son t-shirt. Oh. Elles font toutes ça les filles en festival, non? Tu crois? Bah ouais. Oh ouais, ok, ouais. Préfère le vrai? Tente de gagner une expérience Tomorrowland exclusive et le jackpot loto avec l'auto surprise. Fun Radio, le son Dance Floor. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove. I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad souls, darling. All I know are sad souls. Sad souls. A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus. Fun, c'est du son dance floor et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. Yeah.

the light and I walk up a maze. Fills me with doubt and I'm shouting your name out loud. Why do you wanna put me through the pain? I get the feeling I'll never escape. I get hide away from the shame of you. Vacances insolites type dormir dans les arbres ou partir sans connaître sa destination. On vous lit jusque 9h sur Fun Radio. Écoutez son dance floor, c'est Ritza et Je m'en fous que je vous cale d'ici quelques petites secondes. Je m'en fous. Fun. Fun Radio. La, la. En juillet chez Ego, profitez d'un crédit 0% sur votre nouvelle cuisine équipée sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Avant ça, il est 7h sur Fun, vous êtes dans Summer Fun et on s'informe avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Antoine, bonjour à tous. La police n'a jamais enregistré si peu de faits criminels depuis 2000, selon les statistiques policières de criminalité 2015 en Belgique. En 2015, un total d'un peu moins de 900 000 procès-verbaux ont été dressés contre un peu plus de 970 000 en 2014, soit une baisse d'un peu plus de 7% à travers le pays et de 10% même à Bruxelles. La menace terroriste et la présence accrue de militaires en rue peuvent en partie expliquer ces diminutions de la criminalité. Les plus fortes baisses concernent les vols de véhicules, moins 14%, les viols, moins 7%, le phénomène des faux agents qui s'en emportent, moins 13%, ou encore les vols à la tire. En revanche, le commerce d'armes à feu grimpe de plus de 50%, de même que le terrorisme de plus de 70%. Le terrorisme, parlons-en. On a appris hier que Salah Abdeslam a eu un rôle bien plus important dans les attentats à Paris et à Bruxelles qu'il ne le laisse entendre. Mohamed Abrini, qui a reconnu être l'homme au chapeau impliqué dans l'attaque à Bruxelles-Serport le 22 mars dernier, est suspecté d'avoir participé aux préparatifs des attentats du 13 novembre à Paris, l'a reconnu dès ses premières auditions. Après ces attentats, Abrini et Abdeslam se sont cachés à différentes adresses où ils ont notamment côtoyé les terroristes qui ont perpétré les attaques du 22 mars à Bruxelles. La commission d'enquête parlementaire belge ne souhaite quant à elle pas que son agenda soit dicté par les résultats de son homologue français qui rendra ses conclusions aujourd'hui. Les recettes fiscales sont inférieures aux estimations avancées lors du contrôle budgétaire du mois d'avril, si bien que le déficit avoisine les 760 millions d'euros. L'impact des attentats du 22 mars a fait reculer les revenus de la TVA, qui affiche un déficit de 359 millions d'euros par rapport aux prévisions. Au total, le retard des revenus d'impôt se monte donc à 760 millions, qui s'ajoute au déficit de 229 millions d'euros de la Sécurité sociale. À titre de comparaison, le déficit comptabilisé au niveau des recettes fiscales se montait à 1,4 milliard d'euros l'an dernier à la même période. Les révélations sur notre équipe nationale de foot éliminée en quart de finale de l'Euro 2016 se poursuivent. Cela tourne véritablement au règlement de compte. Certains remettent en cause les événements qui ont suivi le surlendemain de la victoire contre la Hongrie en huitième de finale. La manière dont la séance d'entraînement s'est déroulée est remise en cause. Il y a aussi les événements de la fin de journée avec des joueurs qui ont eu quartier libre jusqu'à 23h et qui comparent leur lieu d'hébergement à Alcatraz en raison de l'attitude de Mark Wilmots à l'égard de ses joueurs. Nainggolan et Fellaini, qui sont rentrés à l'hôtel avec 4 petites minutes de retard, se sont fait descendre en flammes par le sélectionneur fédéral. Les reproches fusent alors en interne par rapport à l'attitude de certains membres du staff et une soirée assez alcoolisée pour fêter la victoire conquise un peu plus tôt dans le tournoi contre l'Irlande. Tous ces éléments ne font que renforcer le mauvais climat qui a régné sur le groupe avant son match loupé contre le Pays de Galles. Si on ajoute à cela les libertés laissées à Thomas Meunier pour négocier son contrat au PSG, on se dit qu'on n'a sans doute pas encore fini de parler de cette élimination. Fun. Fun Radio.

ou Bakermat, Coralie ou Anto. Vous envoyez tout ça par SMS au 3044. Ce sera le dernier titre de l'émission, à vous de choisir. On va continuer à parler, Coralie, dans quelques minutes des vacances insolites avec le top 3 de mes lieux insolites. Avant ça, on vous rappelle que vous allez pouvoir jouer avec nous dans quelques minutes au Battle Fun pour tenter de remporter des cadeaux partout en Belgique. Et oui, vous pourrez tenter de repartir avec vos places de cinéma pour aller dans n'importe quel cinéma avec la personne de votre choix. Et si même vous avez envie de participer, c'est très simple, il vous suffit d'envoyer jeu par SMS au 3044. Alors le principe du Battle Fun, ce sont des sons, des titres Fun Radio que vous entendez tout le temps, tous les jours, qui ont été modifiés par notre stagiaire. Il a été un peu méchant là-dessus, vous allez voir, à vous de les reconnaître. Le top 3 de mes lieux insolites, c'est ce qu'on va faire juste maintenant. Alors on parlait tout à l'heure Coralie, et je l'ai repris justement dedans, dormir sur une falaise. Ça peut être un lieu vachement insolite. Maintenant, si on fait ça en duo, il faut être sage. Parce que on va pas commencer. Oui. Même, t'imagines, tu es dedans, tu peux même pas bouger ni te retourner alors. Mais si tu peux, bien sûr. Mais calmement. Oui, bah non, c'est non, tu ça doit pas tomber normalement. Donc voilà. Normal, oui. Mais si toutes les choses étaient normales, bon, je ne sais pas si le monde serait ainsi. Numéro 2, en tout cas, de notre top 3, dormir dans une yourte. Donc, c'est une sorte de tente. Toi, tu appelais ça un tipi. Oui, un tipi, comme les Indiens. Ça, voilà, c'est ça. C'est une sorte de cabane indienne, si on veut, de tente indienne. Et puis, la première, franchement, c'est un truc que je kifferais vachement, mais pour l'été, peut-être qu'il fait un petit peu chaud dedans, c'est une oxybule. Alors, une oxybule, c'est un genre de ballon, comme les ballons dans lesquels on court sur l'eau, genre de grosse bulle dans lesquelles on dort dedans. Et il y en a, par exemple, pas très loin d'ici, entre Namur et Charleroi. Par contre, le prix, c'est pas gratos, c'est plus ou moins 200 euros la nuit. Ah oui. Donc, c'est vrai que pour être enfermé dans une bulle qui peut quand même, avec l'infrarouge, pas l'infrarouge, comme l'effet de serre, te provoquer une nuit plutôt chaude pour regarder les étoiles, c'est un petit peu cher, mais ça peut être original. Oui, on y va cet été. Bah écoute, on tente ça, sort ton chéquier et on y va, c'est parti. Ok, allons-y. Merci d'être sur Fun Radio. Vous avez vous aussi des petites envies comme ça, originales, des petits lieux insolites à faire en Belgique, comme dormir dans les arbres près de Namur ou encore l'oxybule près de Charleroi à 200 euros. Bah, vous nous faites partager par SMS 3044, encore sur Facebook. On a eu quelques réactions. On va les lire d'ici quelques petites minutes. Côté son dance floor, c'est Deoro et Bailar qui arrivent d'ici quelques petites secondes. On fera aussi le club buzz du jour qui sera consacré au recordman de hot dog. Je vous en ai plus dans quelques minutes. Autonose, c'est ce qui arrive juste avant. C'est Sac Noël et Sean Paul avec Trumpet sur Fun. Bienvenue. Yo, see that girl with the big tic-tac, she feel gimme the, head to the floor, girl, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the, body look fine, girl, gimme the, coming out, waste some time, girl, gimme the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it, take up your body, cause you're in your element, body, body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Sing it on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pon your body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. Mm-hmm. Soyez en Belgique, vous êtes sur Fun Radio et vous avez fait le bon choix. Merci de vous réveiller avec nous, c'est Summer Fun. Quelques réactions qui sont arrivées par SMS 3044. Oui, il y a Florine qui nous dit: j'ai trouvé un camping en Thaïlande où les chambres étaient des petites maisons en bois sur l'eau. On avait besoin d'un pédalo pour y accéder, c'était vraiment sympa. Pourquoi pas? Des appartements sur l'eau, ça peut être aussi sympa. On continue à lire vos réactions par SMS 3044. Avant ça, c'est 2 euros et Pailar sur Fun. Montez le son, bienvenue. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Levanto! ¡Ah! l'instant, j'ai pour vous Naskib et Martin Solveig côté son dance floor. C'est Do It Right qui arrive. Le tout avec l'accent. Juste avant, c'est le Club Buzz du jour. Info, scoop, people, médias, c'est le Club Buzz sur Fun Radio. On revient sur le buzz d'hier. Qu'est-ce qui a buzzé sur la toile pour parler un peu? Voilà, c'est pas très français, mais il est 7h20 du matin. On a retrouvé pour vous un petit buzz sur Twitter, Coralie. Oui, et on va parler d'un Américain qui s'appelle Joey Chestnut. Je sais pas si je le prononce bien. Chestnut. Un peu comme les nuts, les noisettes, ouais. C'est ça? Ouais, voilà, exactement. Qui a remporté pour la 9e fois un grand concours d'indigestion de hot dog. Il a réussi à manger plus de 70 duos de pain et de saucisses. 70 hot dogs. Tu imagines? Quelle horreur! Énorme! Moi je mange un hamburger, je suis déjà. Ah, je suis mort. La 70, c'est presque un record du monde en gros. Ouais. Mais comment ça se passe, t'imagines? Il a mangé comme ça d'un coup 70 hot dogs. Il a dû se préparer avant, il a dû s'entraîner. Oui, bien sûr, il se prépare. Et en fait, chaque jour, il mange entre 35 et 70 hot dogs. Il boit énormément d'eau, comme ça, son estomac devient un peu plus élastique en fait. Et voilà, enfin, c'est beaucoup d'entraînement. Il a réussi à faire ça, c'est incroyable. Les Américains, c'est toujours dans la démesure. Hein. C'est quand tu vois les bouteilles de coca chez nous, on a 2 litres, c'est déjà énorme. Chez eux, quoi, c'est des 5 litres les bouteilles? Comment oui, ça fonctionne? Eh ben oui, c'est des 5 litres réellement. Il y en a. Purée, 5 litres. Hier, je regardais une série, comme ça vous savez tout, je regardais Scream, et par exemple, rien qu'un verre d'eau, le verre était déjà immense. Tu te dis, mais comment tu peux boire tout ça, ma fille? C'est le verre est immense. C'est dingue. Le gaspillage. Ça, c'est vrai aussi. Alors, vous avez des petites anecdotes à te raconter, vous avez un petit buzz que vous avez vu sur Twitter, Facebook, ou encore sur un site, ça se passe par SMS 3044. On va publier d'ailleurs cette info sur notre page Facebook Summer Fun. Dans quelques instants, c'est Fabien Feyèche. Alors, je vous rappelle, on a diffusé durant toute l'année les meilleurs moments de Fabien Feyèche. Là, on les rediffuse durant cet été. J'adore ce gars parce que franchement, il va faire des petites blagues téléphoniques à des gens, comme ça, toujours avec bienséance, évidemment, avec le sourire. Ça cartonne, ça arrive d'ici quelques minutes. On va parler de vos activités fun à faire durant l'été. Et puis, évidemment, le meilleur du Sundance Floor, c'est ce qui arrive juste après ceci. Une assurance auto qui est toujours à vos côtés, c'est rassurant. C'était le matin et ben voilà, il y a embouteillage, donc je freine et j'ai senti qu'on m'est rentré dedans. J'ai vu par après qu'il y avait finalement, on était à 3. Ben, j'ai pensé directement d'appeler Corona Direct. C'est les premiers qui ont décroché et parce que remplir un constat quand on est 3, ben, je ne savais pas comment faire. Et puis la dame m'a vraiment bien écoutée. Elle m'a rassurée et puis m'a dit ce que je devais faire. Franchement, elle s'est vraiment bien occupée de moi et elle m'a téléphoné plusieurs fois dans la journée pour voir si ça allait et j'ai rien dû faire. Corona Direct, directement assuré, directement assisté, directement remboursé. Faire la crêpe ou manger des crêpes. Lâchez-vous, Neckerman, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Ce week-end, vous allez à un spectacle comique? Ou bien à la mer? Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Le train. Fun Radio. Como tu te llamas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Como tu te llamas, yo no sé. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. No importa el idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Quedarme contigo hasta el amanecer. dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky, ya. Saga White Black, La Industria Inc. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. wine, wine, wine. Bum, bum, bum. Je suis tentée, attirée comme un aimant, émancée des sentiments. M'en veux pas, je suis bornée, le temps peut nous dépasser. Qu'en sera-t-il du lendemain? Inscrire pour jouer avec nous dans quelques minutes au Battle Fun. Et puis Fabien Fayet viendra nous rendre une petite visite dans quelques instants. Mais juste avant, il est 7h30. Fun. En juillet chez Ego, jusqu'à 35% de remise sur votre nouvelle cuisine équipée sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Comme toutes les demi-heures, on fait le tour de l'actu avec Jean-François Servais. Salut Jeff. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À l'issue d'un périple de 2,7 milliards de kilomètres, la sonde Juno de la NASA a réussi à se mettre en orbite autour de Jupiter, la plus grande planète du système solaire dont elle tente de percer les mystères. Le vaisseau de 3 tonnes, un peu plus de 3 tonnes et demie propulsé par l'énergie solaire a allumé son moteur principal pendant 35 minutes pour freiner sa course. Il a ainsi pu se faire happer par la gravité de Jupiter et s'insérer dans une orbite polaire de 53 jours et demi. Un signal du vaisseau reçu cette nuit à 5h53 heure belge a indiqué la fin de la manœuvre. Pendant les approches de Jupiter, les instruments de la sonde étudieront ses gigantesques aurores boréales, son atmosphère et son immense tache rouge. L'un des objectifs principaux de la mission sera de mieux comprendre de quoi se compose l'intérieur jusqu'ici inobservable de la planète Jupiter. Le secteur du gardiennage a créé chez nous plus de 500 emplois supplémentaires en 2015 et devrait continuer à engager. En 2015, les entreprises de gardiennage ont embauché 518 agents, faisant grimper l'emploi de 4,2% par rapport à l'année précédente. Le secteur, qui occupe près de 15 000 personnes en Belgique, a connu un pic de demande en novembre après les attentats de Paris et puis en mars après ceux de Bruxelles, alors que les autorités, les aéroports, les entreprises, les organisateurs d'événements et d'autres ont davantage fait appel aux services de gardiennage. La police n'a quant à elle jamais enregistré aussi peu de faits criminels depuis 2000, selon les statistiques policières de criminalité pour l'année 2015 en Belgique. Un total d'un peu moins de 900 000 procès-verbaux ont été dressés en 2015 contre un peu plus de 970 000 en 2014, soit une baisse d'un peu plus de 7% à travers tout le pays et de 10% même à Bruxelles. La menace terroriste et la présence accrue de militaires en rue peuvent en partie expliquer ces diminutions de la criminalité. Les plus fortes baisses concernent les vols de véhicules avec moins 14% ou encore les vols à la tire moins 20%. En revanche, le commerce d'armes à feu a grimpé à plus 50%, de même que le terrorisme à plus 70%. En tennis, David Goffin a vu son parcours s'achever en 8e de finale du tournoi de Wimbledon. Le numéro 1 belge a été éliminé en 5 manches et un peu plus de 3 heures de jeu par le Canadien Milos Raonic, 7e joueur mondial. Et puis on termine ces infos avec une info assez particulière. Une utilisatrice du célèbre réseau social Facebook a le malheur de porter le même nom que l'acronyme anglais de Daesh. Le réseau social reproche à Isis Thomas, c'est son nom, de porter le nom en anglais de l'État islamique, à savoir Isis pour Islamic State of Iraq and Syria, État islamique en Irak ou en Syrie. L'infortunée s'est inscrite sur Facebook sur le nom d'Isis Worcester il y a quelques années afin de protéger son anonymat en raison de l'entreprise pour laquelle elle travaillait à l'époque. Elle pensait que Facebook souhaitait qu'elle s'inscrive sous son vrai nom. Elle a alors compris que le problème n'était pas son nom mais son prénom. Il ne s'agit pas d'une première, puisque l'an dernier, une jeune américaine avait dû lancer une campagne sur Twitter pour expliquer que Facebook lui avait envoyé 3 preuves d'identité avant de lui permettre de retrouver son compte. Fun. Fun Radio.

Africa. For Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. It's time for Africa. Danser sur ce titre évidemment, même ici en studio Coralie. Ah, oui. Côté sur Dance Floor dans la suite, c'est Maten qui arrive avec Café Del Mar. Ah, c'est bon ça. Juste avant, c'est Fabien Feyesh qui nous rejoint d'ici quelques minutes. Alors Fabien Feyesh, est-ce que tu aimes bien Coralie? Ah, je l'adore, il est super drôle. Franchement, il cartonne. Alors si vous ne connaissez pas très bien, c'est un personnage haut en couleur qui multiplie comme ça les coups de téléphone à des inconnus. Et souvent, on peut le dire, ça les agace. Mais c'est pour notre plus grand plaisir aujourd'hui, notamment avec un jeu qu'on a tous fait quand on était enfant. On va même le faire pendant la séquence, écoutez. Fabien Feyesh. 1, 2, 3, soleil, bonjour. Oui, bonjour, c'est Fabien Feyesh au téléphone. Oui, bonjour. Ben, je voudrais jouer. À quoi, je ne comprends pas. Ben, je suis où, là? 1, 2, 3, soleil. Hop, je bouge plus. Monsieur, je ne comprends pas. Je dis, je bouge plus. Oui. Allez-y, redites-le. Le redire quoi? Ben, le nom du magasin. 1, 2, 3, soleil. Je bouge plus. Oui, c'est très bien, pour vous. Statue, je suis en statue. Oui, et sinon, je peux vous renseigner? Attention, allez-y, dites le nom. Quel nom? Du magasin. Le nom du magasin. Oui. 1, 2, 3, soleil. Je bouge plus. Bon, il se fout de moi, là, le mec. 1, 2, 3, soleil, bonjour. Bonjour, c'est encore Fabien Feyesh. Bon, allez, à moi de jouer. Hein. Non, non, mais on ne joue pas, monsieur. Si, allez, on y va. 1, 2, 3, soleil. Non, ça suffit, là, je travaille. Vous avez bougé. Non, mais je m'en fiche. Si, vous avez bougé, perdu. Non, vous jouez avec quelqu'un d'autre. Vous retournez au fond parce que vous avez bougé. Oui, c'est ça, vous me parlez autrement et vous arrêtez de me téléphoner. Allez, 1, 2, 3, soleil. Non, ça suffit. Bah, elle a bougé. 1, 2, 3, soleil, bonjour. Vous avez bougé, perdu. Oh non, mais là, ça suffit, mais merde. Si, mais elle a bougé, tata. Elle dit qu'elle a pas bougé alors qu'elle a bougé, elle a perdu. Tricheuse. 1, 2, 3, soleil, bonjour. Perdu. Non, t'as bougé. Elle dit qu'elle a pas bougé. Ouh, la tricheuse. Non, mais arrêtez, vous avez vraiment que ça à faire. Ouh, la tricheuse. Est-ce que vous vous amusez, mais ouh, pas moi, la là. Tricheuse, elle a bougé. Oui, c'est pas drôle. Mais si, t'as triché, t'as bougé. Enfin, 1, 2, 3, soleil, après t'as bougé, donc t'as perdu. Mais vous êtes vraiment pas bien, non, mais allez vous faire soigner, quoi. 1, 2, 3, soleil, bonjour. Coucou, allez, à moi de jouer. 1, 2, 3. Ta gueule. Ah, non. Tu bouges plus, là, hein, ça y est, j'ai gagné, là. Bah non, parce que. Bah si, tu parles, je t'ai dit ta gueule, tu parles, t'as perdu. Bon, tata, j'ai perdu ou 1, 2, 3, ta gueule. Tu connaissais les règles, toi? Fabien Feyesh. Fabien Feyesh.

I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow, make you lose control. Qu'est-ce que j'adore ce son, ça met de bonne humeur pour se réveiller. Dans un instant, c'est Axwell et Sébastien Grosso qui arrivent sur Fun avec Sun is Shining. Juste avant, on joue au Battle Fun dans Summer Fun. Le Battle Fun, c'est comme un match de boxe, mais à la radio et avec de la musique. Le principe très simple, Coralie, tu vas affronter un de nos auditeurs qui est avec nous par téléphone, il s'appelle Quentin. Salut Quentin. Salut. Tu vas bien? Bah ça va très bien et toi? Bah écoute, très très bien, merci de te réveiller avec Summer Fun, tu as 23 ans et tu habites Tournai. Le principe, donc je le disais, très simple, trois extraits musicaux, trois titres qu'on diffuse ici sur Fun, qui ont été un peu trafiqués par notre stagiaire, et vous allez devoir tous les deux, eh bien, crier en premier la bonne réponse. À gagner pour toi, mon Quentin, j'allais t'appeler Thomas maintenant, Quentin, des places de ciné pour partout en Belgique. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Oui. Ouais. Tu es prêt? Voici le premier extrait, écoutez. Facile. Fifth Harmony. Oh. Coralie est dégoûtée parce qu'elle se dit merde, j'ai pas entendu. Ouais, c'était les Fifth Harmony avec Rock From. Deuxième extrait, peut-être une nouvelle chance pour toi de gagner, Quentin. On écoute. Ah, c'est Mike Posner. Mike Posner, oui. J'adore. Avec son titre qui démarre pas. I took a pill in Ibiza. Un point partout, attention. Le score est serré. Quentin, est-ce que tu es au taquet? Ouais, au taquet. Attention, dernier extrait. On écoute. C'est Kongs. Non. Rien à voir. Coralie. Je sais pas du tout. Tu sais pas? Non. Vous êtes sûr? Bref, je vous remets, écoutez. Kaigo. Oui. Sur le fil, Kaigo, bonne réponse. On a donc d'un côté un point pour Coralie, deux points pour Quentin. C'est donc bah Quentin qui gagne. Et ouais, bravo Quentin. Yeah. Et on se réécoute Kaigo version normale avec Stay. C'est aussi un de mes coups de cœur du moment. Quentin, j'ai donc une bonne nouvelle pour toi, tu repars avec tes places de ciné. Partout en Belgique. Et merci beaucoup à toi Quentin. On te repasse au standard Coralie, prendra tes coordonnées. Vous avez envie vous aussi de vous inscrire et jouer avec nous? Bah c'est très simple, ça se passe par SMS au 3044. Vous envoyez le petit code je. Merci en tout cas de passer votre matin avec nous sur Summer Fun. Dans quelques instants, c'est Soprano et le Diable ne s'habille plus en Prada. Juste avant, c'est Axwell et Sébastien Grosso avec Sun is Shining sur Fun. A simple band of gold wrapped around my soul. Hard forget. Faith is in our hands. Castles made of sand. No more guessing. No regrets. Then you came my way on a winter's day. Je vous parle de mes activités fun à faire durant l'été. On en dressera le top 3 juste avant. Côté son dance floor, c'est le duo Benny Benassi et Chris Brown qui arrive sur Fun. Avec Paradise. Fun Radio. Fun. La, la, la. En juillet chez Ego, profitez de soldes jusqu'à moins 60% sur nos cuisines d'exposition. Ego, la cuisine de ma vie. Debout tout le monde, il est 8h, c'est Summer Fun et vous êtes sur Fun Radio. On fait le tour de l'actu avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. Les grandes banques louent des services de hackers éthiques de la Banque Nationale. Ces pirates informatiques ont pour objectif d'identifier les faiblesses des systèmes mis en place. Les banques se demandent néanmoins si ces cyberattaques amicales sont légales. La Banque Nationale appelle les grandes banques et les autres institutions financières à mener des tests de sécurité approfondis pour vérifier la qualité de l'efficacité des systèmes de sécurité. Il existe toutefois un problème juridique puisque le piratage informatique, demandé ou non, est interdit par la loi. Les banques discutent actuellement avec leur fédération Fébelfine, qui n'a pas encore arrêté de position sur le sujet. Il est nécessaire de créer davantage de sécurité juridique afin que les hackers éthiques ne tombent pas sous la loi interdisant le piratage informatique. Le secteur de gardiennage a quant à lui créé plus de 500 emplois supplémentaires en 2015 et devrait continuer à engager en 2015. Les entreprises de gardiennage ont embauché 518 agents, faisant grimper l'emploi de 4,2%. Par rapport à l'année précédente, le secteur qui occupe près de 15 000 personnes en Belgique a connu un pic de demande en novembre après les attentats de Paris, puis en mars après ceux de Bruxelles, alors que les autorités, les aéroports, les entreprises, les organisateurs d'événements et d'autres ont davantage fait appel aux services du gardiennage.

Vous êtes sur Fun Radio, vous écoutez Summer Fun en direct avec vous jusqu'à 9h pour vous réveiller, pour bien démarrer la journée. Maître Gims, Ma Beauté, c'est ce qui arrive côté son dance floor juste avant. Votez pour votre artiste préféré, c'est le duel dans Summer Fun sur Fun Radio. On vous rappelle que vous allez pouvoir choisir le dernier titre de l'émission, soit David Guetta avec Dangerous, j'adore ce titre en plus. Vous envoyez Coralie pour si vous avez envie d'écouter David Guetta et Dangerous, ou bien alors vous envoyez Anto si vous voulez écouter Baker Matt. Et ton titre Van Dyke, c'est dans moins d'une heure. David Guetta, vous envoyez Coralie, Baker Matt, vous envoyez Anto, c'est vous qui choisissez. Et ça se passe par SMS au 3044. Avant ça, on va parler des activités insolites à faire durant l'été, Coro. Juste avant, on revient sur les lieux insolites et SMS que nous avons reçus par SMS, bah ouais, au 3044. Ah oui, les SMS qu'on a reçus. Non, elle me fait des grands signes, je vous explique tout. Je la regarde pour dire, Coralie, maintenant on va faire des réactions qui sont arrivées. Et là, elle me fait des grands signes. Non, j'ai pas la pêche sous les yeux. Exactement. Mais là, t'as retrouvé. Mais en fait j'ai reçu des messages de, par exemple de Lionel qui me dit j'ai pas vraiment visité de lieu insolite, par contre j'ai fait un tour d'Europe l'année dernière, j'ai visité plus de 20 pays en 2 mois. Ça c'est pas mal quoi. Et il a fait tout ça en train en plus. En train? En train. Purée, quel courage. J'adore. Mais c'est une très très belle expérience en tout cas. Autre chose. Et sinon il y a Julie qui nous dit j'ai pas de lieu insolite bien précis, par contre j'adorerais justement partir juste avec un sac à dos et choisir sur le tas un pays que je pourrais visiter. Mais ça, faudrait quand même avoir un minimum de budget pour faire ce genre de choses. Parce que tu ne sais pas vraiment prévoir à l'avance tout ce qui peut t'arriver, les trains, les trams, les métros, les taxis, ouais, les hôtels. Sûr, ouais, bien sûr, tu prévois mais ça un peut budget, être original. Mais ça peut être super bien. Et ben, en tout cas, c'est à tester. Toi, est-ce que tu as des activités insolites à faire, Coralie, par des exemple activités. Ou que tu as déjà fait? Ouais, moi j'ai déjà fait du karting sur glace. Du karting sur glace? Ouais, j'ai fait ça l'année dernière au ski. Et, donc, genre, c'est comme du karting c'est sur comme la du terre, karting, mais... sauf que c'est sur glace. C'est un peu comme dans Mario Kart. Ah ouais. Et, mais c'est super compliqué parce que tu... ça glisse. Mais ouais, c'est ce que j'allais dire. Super c'est... difficile quoi, c'est à contrôler. C'est pas des roues alors, c'est des patins en dessous. Non, c'est des roues. C'est des roues sur la c'est glace. C'est des roues. C'est comme des pneus neige en fait, ouais, qu'on a sur les voitures et c'est c'est sur de la glace avec un petit moteur et tout. C'est super bien. Eh ben écoute, c'est à tester pourquoi pas en hiver. Pour l'été, par contre, j'ai fait pour vous le top 3 des activités branchées et insolites que les plus de gens font pendant l'été. Le numéro 3, ça se passe dans les airs. C'est le saut à l'élastique. D'ailleurs, Fun Radio en a organisé un il y a pas très longtemps. C'était fin juin. Un saut à l'élastique. C'est quand même le truc où tu te sens mourir, quoi. Tu te lances et puis ton cœur s'arrête au moment où tu te lances et que tu fais le rebond. Ah, mais j'adorerais faire ça. Mais j'ai envie d'essayer aussi. Ah, moi j'adorerais. Pour dire de mourir en le faisant. Ça peut être sympa. Le numéro 2, ça se passe toujours dans les airs, mais cette fois-ci, on saute d'un peu plus haut. C'est un saut en parachute. Ah, ça, oui, par aussi. Contre, non. Ah, si. Ça, on m'aura pas. Ah, si. C'est mort. Tu te vois t'écraser, c'est encore pire. Non. Mais tu t'écrases pas. Pas de saut en parachute. Et le troisième, c'est le wave karting. Là, c'est un truc super sympa parce qu'on va vous offrir justement des accès pour aller au wave karting. Ouais, dans quelques semaines, au courant de l'été. Au courant de l'été, exactement, ça va arriver sur Fun Radio. On vous amènera à faire du wave karting. En plus, ça se passe à Nieuport. J'ai déjà pu tester l'année dernière. Et franchement, c'est super bien. On est sur un bateau qui ressemble un peu à un jet ski, mm-hmm, avec un peu plus de sécurité. On est à 3 sur le bateau. Chacun conduit à son tour. Et c'est super bien. Ça, c'est assez rapide. T'es vraiment libre. Tu fais ce que tu veux en fait. Eh bien franchement, ce sera à essayer. On a eu un petit SMS au 3044 de Bastien qui dit que lui a essayé un truc insolite. C'était un simulateur de Boeing. Donc c'est comme s'il conduisait un gros avion. Alors il explique que ça se passe à Paris. Par contre, j'étais voir vite fait quand j'ai vu son SMS sur internet. C'est pas gratos, c'est 169€ par personne pour essayer ça. Ah oui, ça dure 1h30. Et si vous avez envie de retrouver des infos et pourquoi pas le tester, ça se passe sur flightexperience.fr. Pourquoi pas. Ça peut être sympa. C'est comme si tu conduisais un avion, finalement, avec 300 personnes derrière. Ça peut être original à tester. Vous avez des réactions, vous avez envie de partager avec nous vos activités insolites de l'été. Ça se passe par SMS 3044. Côté Stone Dance Floor, c'est David Guetta qui arrive d'ici quelques petites secondes. Juste avant, c'est Maître Gims et sa petite beauté qui arrive sur Fun. Vous écoutez Summer Fun, on est en direct, il est 8h15. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Oui, ton retour est une délire. C'est une évidence. Je sais ce n'est pas gagné d'avance. Mais rien ne m'est pour ça, j'ai les épaules pour ça, ma beauté repose-toi. J'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Je mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché dans les rues, elle t'abandonne. Dans quelques minutes, c'est l'un ou l'une d'entre vous qu'on appelle pour fêter votre anniversaire. Vous avez d'ailleurs envie de fêter l'anniversaire d'un de vos proches demain ou après-demain ou le surlendemain. Ça se passe par SMS 3044 ou encore par mail à honto@funradio.be. Côté son dance floor, c'est David Guetta et Zara Larsson qui arrivent avec le titre officiel de cet Euro 2016. This is one's for you. On va parler du chiffre du jour. 80%, c'était le chiffre du jour. 80% des personnes sondées ont envie de le faire ou préfèrent le faire en vacances ou dans la vie réelle. Quelques réactions qu'on a eues sur la page Facebook. Oui, il y a Gauthier qui nous demande est-ce qu'il préfère partir au soleil plutôt que pendant l'hiver. Au soleil que pendant l'hiver. Ouais, non, c'est ce que, en fait, il veut dire est-ce qu'il préfère partir pendant les vacances d'été ou pendant les vacances d'hiver. C'est pas spécialement partir. Ok, bon, ça n'a rien à voir. Sinon, il y a Elias qui nous dit s'ils sont comme moi, il s'agit de changer de voiture tous les 3 ans. Ah, pourquoi pas? Mais non, c'est pas ça non plus. Je vais vous donner la réponse. 80%, c'était le chiffre du jour. C'est le pourcentage de personnes qui préfèrent rencontrer simplement des gens en réel plutôt que sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'on est à une période, à une génération où, tous nos rencarts, on se les fixe grâce à Facebook, grâce à Tinder, grâce à Snapchat, même maintenant de plus en plus. Eh bien, pourtant, 80% des personnes sondées via un site anglais préfèrent rencontrer les gens en réel dans un bar, un anniversaire, une petite soirée, ce qui se faisait plus avant que maintenant. Ça donne de l'espoir quand même. Oui, bah c'est-à-dire mieux que tout peut même se passer en vrai. C'est mieux, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, il faut être réaliste, nous aident parfois à rencontrer des personnes qui ont les mêmes points communs. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut être ça. Vous avez envie de réagir, vous avez encore un avis dessus. Ça se passe par SMS 3044. Côté son dance floor, on va se faire un petit plaisir. David Guetta, Zara Larsson, This is one's for you. Bah, c'est ce que je vous cale maintenant. Sur Fun, montez le son, c'est Summer Fun en direct jusqu'à 9h. C'est l'hymne officiel de cet Euro 2016. David Guetta, Zara Larsson, This Is One's For You. Dans la suite, c'est Galantis que je vous cale sur Fun. Avec No Money. Juste avant ça, on vous offrait vos entrées pour partir à l'Aventure Park de Wavre. On a un gagnant qui est avec nous par téléphone. Il s'appelle Jonathan. Salut Jonathan. Salut. Tu vas bien? Ça va, très bien, très bien. Ouais. Tu viens d'où, dis-moi, tu nous écoutes d'où depuis ce matin? Je viens de Francorchamps. De Francorchamps, ok, c'est près de Liège, c'est ça? C'est bien ça, à côté du circuit de Francorchamps, je parle. Ah bah oui, bah nickel alors. Écoute Jonathan, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu repars avec tes places pour l'Aventure Park de Wavre. Ouh, nickel. J'espère que tu es content, que ça se passera bien. Est-ce que t'as déjà une idée avec qui tu vas partir? Oh bah on l'a vu avec ma petite femme et les amis ou quoi hein. Ah bah écoute, avec ta petite femme on l'embrasse également. Merci Jonathan, à toi, tu restes à l'écoute de Summer Fun. N'hésite pas à, bien sûr nous envoyer quelques photos pour la page Facebook. Comme ça on reste en contact, on fait ça? Ah bah ok, je ferai ça. Merci beaucoup Jonathan, excellente journée à toi. Reste en antenne, on va prendre tes coordonnées, bonne journée. On va également fêter votre anniversaire aujourd'hui, on vous le disait. Ça se passe avec Amélie qui habite Saint-Guilain. Salut Amélie. Non, c'est Astrid. C'est Astrid, pardon. C'est pas grave. Astrid, bonjour. Bonjour. Bonjour Astrid, comment ça va? Ça va. Ça va très bien. Bah écoute, aujourd'hui tu nous as appelé parce que tu as envie de souhaiter un bon anniversaire à ta meilleure amie Amélie, qu'on est en train d'appeler en direct. Ouais. Je te propose de lui annoncer directement une fois qu'elle est là. Ça va? Quoi? Je te propose de lui souhaiter directement quand elle décroche. On fait ça? Ok. Alors allons-y. Bienvenue sur Voicemail. On va lui laisser un message. Ceci est la messagerie vocale de Amélie. Veuillez laisser coucou un Amélie. Message après le signal sonore. Merci prête, de votre Astrid. Appel. Ouais, mais c'est juste pour te souhaiter un bon anniversaire. Et en plus, Amélie, on est en direct à la radio. Ouais. Un joyeux anniversaire. T'es 18 ans qu'elle fête aujourd'hui, non? Ouais, c'est 18 ans. Et ben voilà Amélie, bon anniversaire, 18 ans ça se fête. Et c'était l'occasion de souhaiter en plus tes 18 ans en direct sur Fun Radio. On peut embrasser Astrid et tous les copains qui sont derrière. Ils sont là les copains? Ouais ils sont là. Ah ben il faut hello les copains. Voilà, merci à vous en tout cas. Merci beaucoup Astrid d'avoir été avec nous ce matin. On te fait plein de bisous, bisous à Amélie aussi si tu la vois, pour lui souhaiter un bon anniversaire. Oui, on fait oui. Ça ok, pas de problème. Bonne journée à toi Astrid, bisous. Vous avez envie de souhaiter un bon anniversaire à vos amis? Ben c'est très simple, ça se passe par SMS 3044 pour vous inscrire. Coralie, tu réceptionnes tout ça évidemment dans la suite. Côté son dance floor, c'est Madonna et Justin Timberlake qu'on s'écoute sur Fun avec 4 Minutes. J'espère que j'ai bien prononcé, c'est ça? 4 minutes. Yeah. C'est la suite de Sundance Floor. Merci d'être avec nous. C'est Summer Fun en direct jusqu'à 9h. I can't.

Ce titre, hein, Coco? Tout à fait. Franchement, j'adore. Merci de vous réveiller sur Fun Radio avec nous. C'est Summer Fun. Et dans quelques instants, j'ai pour vous, côté Sun and Floor, un petit souffle avec Miyama. Juste avant, on va parler de vacances insolites. Et dans les vacances insolites, bah évidemment, il y a la nourriture aussi qui est insolite. Alors, il y en existe de toutes sortes. Et franchement, j'ai un top 3 super gratiné pour vous. Est-ce que par exemple, tu as déjà mangé des insectes, Coco? Oui. On a mangé ici d'ailleurs, ouais, ici, il y a quelques temps. Franchement, c'est pas si mauvais que ça quand tu regardes. Hein. Voilà. C'est pas très bon non plus. Hein. Coussard en fait. Hein. Voilà, c'est un peu ça. C'est middle. C'est... En fait, c'est pas mauvais, mais c'est un arrière-goût assez bizarre. Bah, c'est surtout que dès le départ, tu es déjà dégoûté avant de toucher. Voilà, donc ça fausse déjà un petit peu le rendu. J'ai par exemple ici deux petits trucs qu'on mange, deux petits aliments qu'on mange. Et pourtant, tu vas pas me croire. Okay. Ça se mange dans certains pays, une tête de mouton bouillie. Ah oh, non, c'est dégoûtant. Et pourtant ça se mange. Un cochon d'Inde frit aussi, on peut embrasser l'œil, puisqu'il y en avait un il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Un cochon d'Inde frit, ça a l'air comme ça dégueulasse. Et pourtant c'est très très sérieux. C'est même devenu des spécialités dans certaines régions. Alors il existe des petits animaux comme ça, des insectes surtout, ce qui revient principalement. Et surtout en vacances, que les gens testent, sont des insectes frits, caramélisés. Ça, j'en ai goûté un caramélisé, ça aide. C'est un peu sucré, donc ça aide à peut-être l'avaler. Est-ce que vous avez déjà mangé des choses un peu insolites comme ça? Des insectes, des animaux peut-être, je sais pas, des fleurs. Même parce que des fleurs, ça se mange. Vous nous dites maintenant par SMS 3044 encore sur la page Facebook de l'émission. On vient dans quelques instants avec l'agenda du jour. Fun Radio. Let's go. Fun Radio non-stop. Le son dance floor. Ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes, tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme, des erreurs j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille et dans la nuit, je vois que tu souris. Je t'en prie, tu as le plus beau des chats. J'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquis. Tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumise. Tous ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, je suis ton héros. Aujourd'hui tu me fuis. Tu me fuis. C'est la vie. J'ai trahi. Et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille. Et dans la nuit, parfum me guide. Et j'aimerais t'entendre assez. Tu me dis que ce n'est pas assez. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. Minutes, c'est le duel Fun Radio. Juste avant, c'est Boosty et Phil Long que je vous cale sur Fun. Et puis on va dresser ensemble l'agenda du jour. Qu'y a-t-il de sympa à faire aujourd'hui à Bruxelles ou en Wallonie? C'est ce qu'on va voir avec toi Coco. Notamment au niveau de Luxembourg, un musée sur les Celtes. Alors les Celtes, on les connaît parce qu'évidemment ils ont inventé le savon, la fête d'Halloween ou même encore les trousses à outils. Et donc un musée leur est consacré. Oui, tout à fait, vous pourrez y découvrir leurs vases qui sont décorés, leurs armes en fer ou encore leurs parures de bronze qui ont été finement ciselées. Et vous pourrez suivre tout le travail que les archéologues ont fait autour de leurs petites tombelles, etc. Alors, ça se passe du côté du Luxembourg, ouais. Exactement à Libramont-Chevigny. Combien ça coûte par exemple une entrée? Pour un adulte, ça revient à 5 euros. Pour un enfant de 6 à 12 ans, c'est 2 euros. Et voilà, pour les groupes, il y a à partir de 10 personnes, ça revient à 3 euros. Alors plus d'infos sur internet peut-être? Oui, sur www.museedesceltes.be. Alors cette fois, c'est une activité aujourd'hui qui est plus organisée pour les enfants. C'est un jeu de piste souterrain. Oui, ça se passe au château de Kuttenberg. Oui. Alors chaque enfant va recevoir un petit sac à dos pour pouvoir poursuivre sa chasse au trésor. Il devra réussir à des missions, résolver des énigmes, etc. Et si jamais il arrive à ouvrir le coffre au trésor de Charles Quint, il pourra sûrement recevoir une petite récompense. Alors ça, il faut réserver. Ça se passe aussi sur internet. Oui, tout à fait. Ça se passe sur www.kuttenberg.com. Et bien voilà, toutes les infos à retrouver de cet agenda sur la page Facebook de l'émission. Juste avant, je vous le disais, ça va être le duel dans quelques minutes. C'est vous qui choisissez le dernier titre de l'émission. Votez pour votre artiste préféré. C'est le duel dans Summer Fun sur Fun Radio. Alors soit vous votez pour Backermat avec Van Dijk. Alors vous envoyez Anto par SMS au 3044. Écoutez. Ou bien alors, vous votez pour Coralie en envoyant Coco par SMS 3044 pour... David Guetta avec Dangerous. Ah, c'est bon ça, c'est un bon petit souvenir. Vous votez Anto pour Backermat, Coco pour David Guetta par SMS au 3044 et on l'écoute juste après ceci. Avec l'ING Lion Account gratuit, imaginez vos vacances avec 2500 euros en plus. De quoi passer de... Dis, t'as bien attaché les vélos. Ah ? Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir attacher vos ceintures. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chèque voyage. Infos et conditions de l'ING Lion Account et de la Tombola sur ing.be. Coucou, c'est moi, Hip. Vous voulez profiter de votre terrasse pour un prix vraiment vert? Recevez maintenant, bam, 50% de réduction sur tous les meubles de jardin de votre hypermarché Carrefour. Action valable jusqu'à épuisement du stock. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Ultrasport.be. Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, tout est meilleur. Même quand les comédiens font semblant de manger. C'est bon. C'est quoi? Oui, les comédiens ne peuvent pas manger en studio, hein. On ne comprendrait pas ce qu'ils disent. C'est quoi? Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be. Votre classement du meilleur de la pub radio. Formidable. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio.

Christian. I'm Linus. And we are Galantis. On Fun Radio. Le son dance floor. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. Yeah, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. Chercher ma feuille, c'est bon, on est prêt. Merci d'être sur Fun Radio. Chris Cab, Youssoupha, Badabing, c'est ce que je vous réserve côté son dancefloor dans la suite. Et puis je vous rappelle qu'on vous offre chaque semaine des cadeaux et cette semaine, Coralie, on vous envoie dans les arbres. Et oui, tout à fait, on vous envoie Aventure Park à Wavre. Ah, grâce génial. À Fun Radio, il vous suffira d'écouter donc Summer Fun chaque matin. Et bon, tout à l'heure, je vous parlais du sol élastique. Ouais. Et ben maintenant, je vais vous parler du space jump. C'est totalement l'inverse. Parce qu'il n'y a pas que l'acrobranche qu'on peut faire, on peut aussi faire d'autres choses. Il y a plein d'activités, effectivement. Et c'est totalement l'inverse donc du sol élastique. Au lieu de tomber, vous êtes propulsé dans les airs à plus de 17 mètres de hauteur. Et vous êtes tenu par des énormes élastiques qui vont vous propulser d'un coup sans que vous vous y attendiez. Et c'est vraiment une expérience à faire. Donc, jamais vous êtes tenté pour aller à Aventure Park. Pour faire de l'acrobranche du sol élastique, alors ceci. Donc franchement, c'est sensation forte à 100%. À 100%, il vous suffit d'envoyer Aventure par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et on appelle l'un ou l'une d'entre vous dans quelques minutes. Fun Radio. En juillet chez Ego, profitez de 25% de remise sur votre nouveau placard ou dressing sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Il est 9h sur Fun Radio, c'est Summer Fun, on fait le tour de l'actu comme toutes les demi-heures avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. Salah Abdeslam a eu un rôle bien plus important dans les attentats à Paris et à Bruxelles qu'il ne le laisse entendre. Mohamed Abrini, qui a reconnu être l'homme au chapeau impliqué dans l'attaque à Bruxelles Airport, est suspecté d'avoir participé aux préparatifs des attentats de Paris, l'a reconnu dès ses premières auditions. Après ces attentats, Abrini et Abdeslam se sont cachés à différentes adresses où ils ont notamment côtoyé les terroristes qui ont perpétré les attaques du 22 mars à Bruxelles. Le secteur du gardiennage a créé plus de 500 emplois supplémentaires en 2015 et devrait continuer à engager. En 2015, les entreprises de gardiennage ont embauché 518 agents, faisant grimper l'emploi d'un peu plus de 4% par rapport à l'année précédente. Le secteur qui occupe près de 15 000 personnes en Belgique a connu un pic de demande en novembre après les attentats de Paris, puis en mars après ceux de Bruxelles. La police n'a jamais enregistré si peu de faits criminels depuis l'an 2000, selon les statistiques policières de criminalité en 2015. Un peu moins de 900 000 procès-verbaux ont été dressés, contre un peu plus de 970 000 en 2014. La menace terroriste et la présence accrue de militaires en rue peuvent en partie expliquer cette diminution de la criminalité. Du côté des recettes fiscales, elles sont inférieures aux estimations avancées lors du contrôle budgétaire du mois d'avril, si bien que le déficit avoisine les 760 millions d'euros. Rien que l'impact des attentats du 22 mars a fait reculer les revenus de la TVA, qui affiche un déficit de 359 millions d'euros par rapport aux prévisions. À titre de comparaison, le déficit comptabilisé au niveau des recettes fiscales se montait à 1,4 milliard d'euros l'an dernier à la même période. Sachez encore qu'un chauffeur de camion a malheureusement perdu la vie ce matin à la suite d'une collision survenue avec un autre poids lourd sur le Ring Nord de Ypres, en Flandre occidentale. Le poids lourd a percuté un camion par l'arrière et a basculé dans le fossé. Son chauffeur est décédé sur place. Des embarras de circulation sont enregistrés sur le ring d'Ypres, les véhicules ayant perdu leur chargement. Dans le reste de l'actualité, la sonde Juno de la NASA a réussi à se mettre en orbite autour de Jupiter ce matin, peu avant 6 heures. À l'issue d'un périple de 2,7 milliards de kilomètres, elle va tenter de percer les mystères de la plus grande planète du système solaire. Pendant les approches de Jupiter, les instruments de la sonde étudieront ses gigantesques aurores boréales, son atmosphère ou encore son immense tache rouge. L'un des objectifs principaux de la mission sera de mieux comprendre de quoi se compose l'intérieur jusqu'ici inobservable de la planète Jupiter. Fun Radio Sport, pour conclure, la Britannique Mark Cavendish a remporté hier la troisième étape du Tour de France cycliste. C'est déjà le deuxième succès du Britannique et son 28e succès d'étape sur la grande boucle. Il s'empare au passage du maillot vert de leader du classement par points. Le Slovaque Peter Sagan, quatrième à l'arrivée, a conservé son maillot jaune. La quatrième étape prévue aujourd'hui conduira les coureurs de Saumur à Limoges. Un tout dernier mot pour vous dire qu'en tennis, David Goffin a vu son parcours s'achever en huitième de finale du tournoi de Wimbledon. Le numéro 1 belge a été éliminé en 5 manches et un peu plus de 3 heures par le Canadien Milos Raonic, 7e joueur mondial. Fun. Fun Radio. Dans quelques secondes, on appelle l'un ou l'une d'entre vous. Il vous reste moins de 5 minutes pour vous inscrire. Vous envoyez Aventure par SMS au 6322 pour partir au parc Aventure de Wavre. Jean-François, avant ça, côté météo, est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous? Pas de bonnes nouvelles pour la matinée, des nouvelles un peu meilleures pour l'après-midi, parce qu'on aura encore des nuages avec un peu de pluie, puis un temps un peu plus sec, avec des températures qui ne vont pas dépasser de 16 à 20 degrés et un vent qui va souffler assez fort. Par contre, Antoine, la bonne nouvelle, c'est que l'arrivée du beau temps est prévue à partir de demain après-midi et au moins jusqu'à vendredi. Donc croisons les doigts. On croise les doigts et on compte sur toi. Effectivement. Garde-toi, attention. Oui. Le prochain rendez-vous d'info, c'est à midi avec Carlo et tout de suite, on vous laisse avec Chris Cab et Youssoufa sur Fun Radio. Fun Radio. Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia. Profitez-en aussi sur Krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Fun Radio. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. La radio de vos vacances. This is your station. C'est Fun. Fun Radio. C'est ça. Le son dance floor. International et la connexion. Chris Cab. Youssoufa est dans la maison. Deva. Bipa da ping dong. Les filles, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. J'ai dit, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. Friday night went on way too long. I woke up in a stranger's home. After six shots of De Leon. You know that girl really turned me on. We were on the floor and so much more. Kept moving that away. And we left the club. You can stay, but after all, I can't recall. I can't recall. Père fort, faire fort, finir friqué. M'entourer de briques et l'amour est fabriqué. Je brise en bling bling grâce au public et c'est briqué. J'ai gardé la vista, ma vie est un fist. Équilibre entre l'enfer et le paradis fisc. J'ai pris trop de risques, courir pour le Christ. Pas de message codé, je finis aux côtés de Christ. We were on the floor and so much more kept moving that way. Pendant que la police quête mon star, ghetto star, nécropolitain avec un bête de star. Let's go back to mine for a smoke and wine. If you want to, you can stay. Et je représente le hip hop, hip hop. Symbole de la vie, ce que ma clique porte. It's on for some action, pure satisfaction. Who's the wild girl with turned up Jackson? Loving with passion, splishing. Up until the morning at the make a man dash. On arrive sur le reste du monde. Ce soir on fait bouger tous les corps, je te promets. Fais bouger les corps, je te promets. Ce soir on fait bouger tous les corps, je te promets. Fais bouger les corps, je te promets. C'est ça même. Kinshasa est dans la place, Paris est dans la place, et ça fait bim bada bing, bim bada bing. Et c'est là où il débarque d'ici quelques petites minutes et il vous balance Bob Sinclair, Someone Who Needs Me. J'adore ce titre. Juste avant, on appelle l'un ou l'une d'entre vous qui repartait avec vos entrées pour l'aventure Parc du Wharf. Je pense qu'on a... On a Sébastien. Sébastien qui est avec nous. Il y a beaucoup de bruit derrière. Salut Sébastien. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien vous? Mais écoute, très très bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu repars avec tes entrées pour l'aventure Parc de Wharf, Sébastien. Ah, grand merci. Ah ben, ah, écoute, grand merci. Ça fait super plaisir que tu nous écoutes ce matin entre 6h et 9h pour Summer Fun. Est-ce que tu as déjà une idée de avec qui tu vas aller? Avec madame hein. Avec madame, bah écoute, on embrasse madame. Merci beaucoup Sébastien de nous avoir écouté ce matin. Tu restes en antenne, on va prendre tes coordonnées. Et puis si vous aussi vous avez envie bah, de encore choper vos places pour l'aventure Parc, ça se passera tout à l'heure entre 17h et 20h avec David, le duo de David Kaufman et Barbet. On les embrasse. Ou encore demain entre 6h et 9h, la suite du Sundance Floor, ça se passe avec Lloyd. Ça va? Ouais, Lloyd? Bah ça va et toi? Mais écoute, très très bien, t'as l'air plus en forme qu'hier. Non, pas du tout. T'es reposé entre les deux? Non, pas du tout, je suis hyper fatigué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va se booster avec le meilleur du Sundance Floor dans exactement, un instant. Exactement, jusqu'à 13h, j'ai que des tubes hein, toute la matinée sur Fun. Et tu nous réserves quoi alors par exemple? Bah il y aura du Rihab dans un instant, Florida également. Ah, j'adore. Vu, on vous retrouve demain matin. Bah, avec plaisir, t'as dit le deuxième réveil ou pas? Mais très très bien, mieux que le premier. Ah bah ça valait que grand mieux en tout cas. Eh ben oui, on va rester connectés ensemble sur la page Facebook de l'émission Summer Fun. Gros bisous Anto, nous sommes partis jusqu'à 13h. Bob Sinclair, c'est maintenant sans Fun Welcome. Hein. L'été, tous vos tubes préférés sont sur Fun Radio. You know I know how to make you stop this terror as I fall now. The clock ain't even handled me right now. Club arrogant like yeah, top like money, so the girls just mail. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, better no chairs. Fall out, cause that's the business. All out, it's so ridiculous. I'm holding, I know it, you know it. You know I know how to make them stop and stare as I zone out. The club ain't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. The club ain't even handle me right now. She's trying to make me poke. I said it, don't tell it, confess it. Who ready? I'm ready, you ready? Let's get it. Though I know how to make them stop and stare as I fall now. The club can't even handle me right now. Watching me, I go all out. The club can't even handle me right now. Put your hands up, put your hands up, put your hands up. The club can't even handle me right now. Put your hands up, put your hands up, put your hands up. You got me watching now, got my attention now. Got everybody in the club wanting to know. Oh,